Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Léviathan. Ce mois-ci, nous allons vous parler du conflit entre l'Inde et le Pakistan, puisqu'on aime bien parler de conflit dans ce podcast. Nous allons aussi vous parler de la démission, ou non-démission, du ministre des Affaires iranien. Et enfin, nous vous parlerons de la question des drones tueurs de terroristes, entre guillemets. Pour notre grand dossier, nous accueillons Marine, qui va nous parler sur le Brexit et les conséquences sur l'Union européenne. Alors, on va commencer par notre sujet compliqué du mois, c'est-à-dire Inde-Pakistan. Une fois de plus, ce mois-ci, nous avons décidé de nous attaquer à un sujet beaucoup trop complexe, pour être résumé en si peu de temps notamment. Mais une fois de plus, c'est un sujet d'importance capitale et qui peut fortement porter à confusion, raison pour laquelle nous essaierons de résumer la situation ici au mieux. Les relations très compliquées entre l'Inde et le Pakistan datent de la décolonisation anglaise, comme d'ailleurs beaucoup de problèmes au monde qui ont découlé de la colonisation et décolonisation, notamment dû aux problèmes ethniques et territoriaux, ce qui a été le cas entre ces deux puissances. Les conflits ont été très nombreux, il y a eu plusieurs guerres déclarées et non déclarées. Les deux puissances se sont amusées à développer des armes nucléaires, ce qui a mis le reste du monde un peu en panique au vu des relations. Et ça n'a jamais été réellement réglé. C'est la raison pour laquelle, dès qu'il y a un petit problème, entre guillemets, cela peut prendre des proportions inimaginables. C'est un peu ce qui s'est passé ces dernières semaines, où la crise a escaladé beaucoup plus vite que ce qu'elle ne l'aurait fait entre deux États qui ne s'entendent peut-être pas très bien. Pour donner une idée de la question, Kyle Mizokami expliquait déjà en 2017 que l'armée indienne, comme l'armée pakistanaise, font partie des plus grandes au monde, surpassant même en nombre l'armée américaine. Cela semble logique au vu de leur histoire et du fait que l'Inde est le Pakistan d'un côté et la Chine de l'autre. Comme je l'ai évoqué, les deux puissances ont développé l'arme nucléaire, l'Inde en 1974 et le Pakistan en 1998, malgré le fait que son programme nucléaire ait commencé en 72. Pour contourner la logique du MAD, l'Inde a récemment mis en place une nouvelle doctrine appelée Cold Start, qui lui permettrait d'avoir une mobilisation très rapide, suivie d'une forte offensive contre le Pakistan, avant que le pays ait le temps de déployer ses armes nucléaires. Exactement. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on parle subitement de l'Inde et du Pakistan, dont la situation conflictuelle n'est pas nouvelle ? Alors, le 14 février, a eu lieu une attaque terroriste meurtrière par attentat suicide, il y a eu des dizaines de morts, sur les forces de sécurité indiennes au Cachemire, une zone territoriale qui est toujours contestée entre les deux États. Le groupe terroriste basé au Pakistan, appelé Jaïch-e-Mohammed, a revendiqué l'attaque. Étant donné que c'est un groupe ayant pour objectif que le Cachemire appartienne au Pakistan, l'Inde, qui est en période électorale d'ailleurs pour son premier ministre, a trouvé pour coupable le gouvernement pakistanais, qui réfute ces accusations évidemment. Il est aussi important de noter que depuis nombreuses années, la communauté internationale fait pression sur les autorités pakistanaises pour qu'il y ait une lutte plus active contre les groupes terroristes pakistanais. L'Inde a donc répondu en bombardant une zone du Cachemire où serait un camp terroriste. Une offense pas du tout prise à la légère par le Pakistan, évidemment. Et lors de cette attaque, aucune infrastructure fut touchée selon les autorités indiennes, mais des centaines de terroristes auraient été tués. Sauf que l'attaque aurait en réalité eu lieu à Balakot, une région qui est déjà dans le territoire pakistanais. Et selon les médias locaux et même Reuters, les habitants de cette région ont affirmé avoir entendu des explosions, mais il n'y aurait eu que des maisons qui auraient été endommagées. Et légèrement encore. Bon, si vous trouviez déjà que la crise avait pas mal escaladé jusqu'à ce moment, attendez de connaître la suite. Le Pakistan a rétorqué en abattant un ou deux avions de chasse indiens. Je dis un ou deux puisque les Pakistanais disent deux et les Indiens disent qu'en réalité cela n'a été qu'un. Et en capturant un ou deux pilotes. À nouveau, la confusion vient du fait que sur Twitter, oui c'est à la mode de faire des annonces sur Twitter, le porte-parole du chef de l'EMA pakistanais avait affirmé avoir capturé deux pilotes, tandis que finalement il est revenu en arrière sur ses mots. Vis-à-vis des avions, il a été difficile de vérifier la véracité des propos, puisque cela serait dû à qui dit quoi, Et étant donné que les affirmations sont contraires, cela devient plus difficile. Notamment lorsque le Pakistan affirme qu'un des avions abattus est tombé du côté de la zone du Cachemire contrôlée par le Pakistan. Bon, les Indiens ont rétorqué à nouveau et ont abattu un avion pakistanais. Donc il y a eu une escalade des tensions vraiment pas très drôle et beaucoup beaucoup trop rapide entre deux puissances voisines qui se disputent un territoire depuis plus de 70 ans et qui ont tous les deux l'arme nucléaire. Et bah, ça a mis le reste du monde un peu en panique, d'où le fait qu'on en ait entendu parler sur tous les journaux. Dans ce podcast, nous avons déjà beaucoup parlé de plusieurs puissances nucléaires, mais en réalité, personnellement, j'ai l'impression que les plus volatiles et souvent les plus oubliés sont justement l'Inde et le Pakistan, puisque ce sont deux pays souvent en guerre. Le but de l'arme nucléaire est souvent d'avoir ce que les Anglais appellent du « leverage », mais avec deux puissances dans cette logique et qui rétorquent automatiquement par l'offensive, la question se complexifie. Oui, je suis complètement d'accord. On se focalise beaucoup sur la Corée du Nord quand on pense risque nucléaire, on pense aussi à l'Iran. Mais l'Inde et le Pakistan ont déjà été dans la histoire récente très proches d'une guerre nucléaire et ben, c'est un paramètre à pas oublier quand on parle de risque de guerre nucléaire notamment. En effet. Mais justement arrivé à ce point, les deux pays ne semblaient pas souhaiter une continuation dans l'escalade, raison pour laquelle le Pakistan a fait le choix de libérer le pilote indien et de le retourner à son pays, en tant que geste de paix en fait. Pour remettre un peu les idées en ordre, cela s'est donc passé 2 semaines après l'attentat terroriste qui a déclenché l'escalade de la crise. Ça ne veut pas pourtant dire que tout va bien entre les deux pays, ce ne sont pas des frères et sœurs qui sont battus et ensuite tout va bien comme vous pouvez l'imaginer. Ce geste a simplement permis de contrôler l'escalade et a même permis une légère désescalade. Bon, alors, ils ont peut-être arrêté de déployer des offensives, mais quelles autres actions ont-ils entrepris? Puisque c'est vrai que quand tout le monde était en panique, on en entendait parler dans les journaux, et après on a très vite arrêté d'entendre parler de la situation. L'Inde, de son côté, a déployé un sous-marin INS Calvary pour la première fois, qui a d'ailleurs été conçu par la France, et toutes ses troupes restent en état d'alerte. Il est estimé que l'Inde a 140 armes nucléaires et le Pakistan autour de 150. Le pays s'est vite rattrapé par rapport à son retard qu'il avait. Et ces deux pays restent beaucoup dans une logique de course aux armements d'un côté et de penser à une réelle utilisation de ces armements d'un autre. En faisant les recherches pour cet épisode, je suis tombée sur un article dans le magazine américain National Interest, dans lequel Geoff Wilson et Will Satren faisaient un parallèle avec ce qui s'était passé entre les États-Unis et l'URSS pendant la guerre froide, pour démontrer que cette logique du « toujours plus et plus fort » et l'idée de faire exploser un petit arsenal nucléaire pour montrer à l'ennemi qu'on pourrait être capable de faire pire était totalement insoutenable. Puisque parfois, en étant tellement concentré sur la cible, on oublie de voir l'humain dans l'histoire. C'est ce que les auteurs argumentent en disant que le pilote d'avion capturé a permis de remettre l'être humain au centre de la crise et des préoccupations et ainsi de calmer le jeu. Ils ont évoqué plusieurs wargames faits par les Américains et les résultats étaient toujours catastrophiques, soit dû à la taille de l'arsenal déployé par les Américains, soit parce qu'il s'avérait que les Soviétiques risquaient de rétorquer. Ce serait justement à cause d'un wargame avec ce résultat que le président Reagan aurait affirmé publiquement au peuple américain que, et je cite, « une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée et ne doit jamais être menée ». D'ailleurs, petite digression en parlant de wargames, mais si ça vous intéresse, on vous conseille l'épisode « La guerre est un jeu » du podcast de l'IRSEM qui s'appelle « Le collimateur ». Il y a Pierre Razou, qui est un chercheur de l'IRSEM, et Alexandre Jublin, donc, qui s'occupe du collimateur, qui ont traité le sujet de manière ludique et assez intéressante. Parenthèse refermée, Carolina, je te laisse reprendre. Exactement, l'épisode est extrêmement intéressant. Et pour en revenir à notre situation du wargame américain par rapport à l'URSS, la situation serait probablement la même entre l'Inde et le Pakistan. Certaines études comptabilisent jusqu'à 2 milliards de morts découlant d'une guerre nucléaire entre ces deux puissances. Donc presque un tiers de la population mondiale. Bon, revenons à la réalité. Un mois après, quelle est la situation? Eh bien, un mois pile après, le 14 mars, Des réunions bilatérales ont été tenues pour la première fois depuis les attaques qui ont eu lieu le 14 février. Et elles portaient sur la construction d'une route reliant les deux États. C'est des conversations qui avaient déjà débuté en novembre. Et selon une déclaration commune, les conversations se sont déroulées dans un environnement cordial et ont été détaillées et constructives. Cependant, cette route est en rapport avec un temple sikh et selon le ministre des Affaires étrangères indien, cette conversation spécifique ne signifie pas une reprise des relations bilatérales, mais un signe de respect envers les croyants sikhs. Je rappelle d'ailleurs que c'est une période très importante en Inde, puisque les élections se déroulent bientôt, et cette escalade a pris le centre des attentions de la campagne électorale. En attendant, l'Inde met en place des stratégies diplomatiques, comme par exemple à travers sa demande au CSMU de considérer le fondateur du groupe Jaïch-i-Mohammed comme un terroriste, position qui a d'ailleurs été bloquée par la Chine sous prétexte de nécessiter un peu plus de temps pour pondérer la question. Et en outre, comme je l'ai évoqué auparavant, de nombreux pays de la communauté internationale, dont la France, font appel à ce que le Pakistan lutte plus fortement contre les groupes terroristes sur leur sol. La France a d'ailleurs considéré que l'Inde avait le droit de défendre son territoire, ne condamnant donc pas l'attaque de l'Inde sur le territoire pakistanais. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis auraient d'ailleurs exercé des pressions sur le Pakistan pour que le pays rende le pilote indien. L'Inde semble ainsi avoir gagné le côté diplomatique du conflit, mais le Pakistan ne reste pas pour autant isolé. Et d'ailleurs, il y a un article très intéressant vis-à-vis de cette question, de l'isolation ou non du Pakistan et de la suite après ce conflit qu'on a mis dans la bibliographie, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la question. Oui, merci beaucoup Carolina. Donc on a bien vu seulement ce qui s'était passé il y a pas très longtemps, donc le mois dernier. On n'avait pas pour objectif de parler de la relation indo-pakistanaise dans son ensemble qui demanderait non pas un grand dossier, mais qui en demanderait au moins 5 ou 6 pour faire le tour de la question. On va maintenant passer à notre deuxième sujet du mois. Et pour le deuxième sujet, c'est toi Océane qui va nous parler de l'Iran. Et oui Carolina, alors je sais pas comment on a fait pour éviter le sujet iranien pendant 4 épisodes, mais today is the day. Alors, bon, je vais évacuer une question tout de suite. On va pas parler de Nasrin Soutadeh, l'avocate iranienne militante des droits humains qui a été condamnée. En plus des 5 ans qu'elle fait actuellement à 10 ans de prison supplémentaire et 148 coups de fouet pour, je cite, « incitation à la débauche ». Non pas que ce sujet ne soit pas intéressant à traiter, et l'occasion se présentera sûrement de parler des peines de prison pour les militants des droits de l'homme à travers le monde, mais ce mois-ci, nous avons décidé de porter notre regard sur un autre événement, la démission du ministre des Affaires étrangères iranien. Alors, est-ce que tu peux faire un petit rappel des faits parce qu'on a beaucoup parlé de sa démission, mais moins du fait que la démission n'ait pas été acceptée par le président iranien. Ouais, aucun problème. Alors, le lundi 25 février, il y a donc presque un mois, Mohammad Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères iranien, a annoncé sa démission. Il a écrit, je cite, « Je présente mes excuses de ne plus être capable de continuer à mon poste et pour tous mes manquements dans l'exercice de mes fonctions. » Fin de citation. Bon, c'était en farsi, donc ça a été traduit, évidemment. Apparemment, le bureau d'Hassan Rouhani ne s'attendait pas à cette démission. Et le lendemain, donc le mardi 26, une majorité des parlementaires iraniens a signé une lettre demandant son maintien en fonction. Alors, on pourrait se demander pourquoi la démission d'un ministre, certes des Affaires étrangères, mais un ministre iranien a fait un tel bruit dans la presse. Ben, c'est parce que Mohammad Javad Zarif, que j'appellerai à partir de maintenant Zarif parce que son nom est très long, c'est le héros iranien pour ceux qui veulent s'ouvrir à l'Occident. C'est lui qui a négocié la signature du JCPOA avec les Américains et les Européens en 2015. On l'a appelé, selon l'expression de Reza Nasri, l'architecte du JCPOA. Je cite encore une fois, « Sa personnalité, son expérience, sa vision, sa capacité presque instinctive à résoudre des problèmes et sa popularité en Irak ont joué un rôle crucial dans la désescalade des tensions avec les États-Unis et l'Europe. » Alors, ce qui explique que toute une partie des parlementaires souhaitant s'ouvrir à l'Occident ou souhaitant tout simplement la paix et la stabilité régionale est signée pour son maintien au gouvernement. Il est également très populaire auprès de la jeunesse iranienne qui souhaite en partie une ouverture plus grande sur le monde. Il sait par ailleurs comment leur parler, parce que c'est sur Instagram qu'il a annoncé sa démission, et sa maîtrise des réseaux sociaux n'est pas à démontrer. Mais il doit collectionner les détracteurs avec son côté pacifique. Oui, bah tu crois pas si bien dire, parce que depuis la sortie des États-Unis du JCPOA en mai 2018, selon la volonté de Donald Trump, Téhéran est convaincu que les États-Unis veulent provoquer un changement de régime en Iran. Or, Zarif, c'est un diplomate qui a été éduqué aux États-Unis et qui soutient une position d'ouverture et de dialogue avec le pays, ce qui n'en fait pas un ami des nationalistes iraniens anti-américains. Il a été qualifié de punching ball des conservateurs iraniens qui ont essayé plusieurs fois de le destituer, mais sans succès. C'était le cas en décembre dernier, à cause de la prise de position de Zarif sur le blanchiment d'argent. Mais les détracteurs qui ont proposé sa destitution n'ont pas été assez nombreux pour que ça puisse être effectif. C'est quand même incroyable qu'il y ait eu un changement de relation aussi fort entre les États-Unis et l'Iran qu'on en arrive à des situations comme ça. Oui, parce que entre les États-Unis et l'Iran, ça n'a pas toujours été des relations aussi froides. Ils ont même été alliés pendant près d'un siècle. Sans revenir sur toute l'histoire de l'Iran, et d'ailleurs je vous propose un super article que vous pourrez trouver en description du podcast, mais aujourd'hui l'Iran fonde sa politique étrangère dans une volonté d'indépendance et de refus de toute ingérence, notamment de ceux qu'elle considère comme néocolonialistes, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni. Ça peut sembler un peu paradoxal, mais le rejet du JCPOA par les Américains a donné une chance à l'Europe de se démarquer de la politique iranienne des États-Unis et de conserver une relation de confiance avec l'Iran. Chaque partie respecte sa part du traité. La confiance dans les discussions sur le nucléaire est fondamentale. Et comme le disait Lassine Nazerbo vendredi au Paris Talk, le multilatéralisme est plus fort que le bilatéralisme. Ça paraît être confirmé par les deux exemples nucléaires des actualités. Le JCPOA tient malgré le désengagement des États-Unis alors que la Corée du Nord pense à reprendre ses activités nucléaires après un sommet de Hanoï décevant. Oui, et c'est vrai qu'on aurait pu traiter le sujet de la Corée du Nord ce mois-ci, mais nous l'avions déjà fait à l'épisode 3, nous le ferons peut-être de nouveau dans quelques mois et prendrons le temps de revenir sur ce fameux sommet. En attendant, pourquoi est-ce que Zarif a donné sa démission ? Alors, bon, c'est toujours un peu plus compliqué que la version officielle, mais ce serait en partie lié au fait d'avoir été tenu à l'écart d'une visite de Bachar al-Assad à Téhéran, lors de laquelle le Syrien remerciait l'Iran pour l'aide financière qui lui a permis de survivre à 7 ans de guerre dans son pays. L'Iran et la Syrie sont des alliés régionaux de longue date. La Syrie avait soutenu l'Iran dans sa guerre avec l'Irak de 1980 à 1988, et aujourd'hui l'Iran soutient le gouvernement syrien dans l'espoir d'échapper à l'implantation de Daesh sur son propre territoire. Mais revenons à notre sujet. Le ministre n'aurait pas donc été convié à la réunion Bachar avec Khamenei, le guide suprême, et le président Rouhani, alors que le général, et j'ai peur de mal dire son nom, Qassem Soleimani, qui est patron des opérations extérieures des gardiens de la Révolution, donc la principale force armée iranienne, ainsi que le principal diplomate de la République islamique, très conservateur, Ali Akbar Velavati. Le général et ce diplomate étaient présents, au contraire du ministre des Affaires étrangères. Alors, c'est clairement un problème au niveau protocolaire de ne pas avoir invité le ministre des Affaires étrangères lors d'une visite de cette importance. Mais selon certains observateurs, ce ne serait que le reflet d'une perte de contrôle du gouvernement et en particulier de Zarif sur la politique étrangère, depuis la réélection de Rouhani en 2017, et encore plus depuis la sortie des États-Unis du JCPOA. Et donc, dans tout ça, la démission a été refusée par Hassan Rouhani. Oui, un peu moins de 2 jours plus tard, donc le 27 février, Rouhani a écrit une lettre ouverte à Zarif, qui a été publiée sur le site du gouvernement, dans laquelle le président a écrit, entre autres, « Je pense que votre démission va à l'encontre de l'intérêt du pays et je ne l'approuve pas. » Alors, la raison de l'exclusion du ministre de ces entrevues aurait été, je cite encore une fois, « un manque de coordination au niveau du cabinet du président. » Donc en fait, une erreur. Alors bon, pour rien vous cacher, je suis pas vraiment convaincue par cet argument de l'erreur à cause d'un manque de coordination, ça me semble un petit peu léger. Je pense que ça montre bien plus un déplacement de l'équilibre des pouvoirs en Iran qui se détache de l'influence américaine dont Zarif est en quelque sorte le représentant à l'intérieur de son pays. Oui, et après, il faut bien garder en tête que si la raison publique de la démission de Zarif est cette rencontre avec Bachar al-Assad, il y a plus que certainement d'autres raisons qui n'ont pas été dévoilées dans les journaux. Oui, évidemment, et d'ailleurs c'est pour ça que je vous parle de l'Iran aujourd'hui, et que tu nous as parlé tout à l'heure de l'Inde et du Pakistan. Ce sont des conflits qui sont des conflits ou bien juste des situations qui sont extrêmement complexes, qu'on peut traiter, nous, dans ce format-là, que de manière partielle. Mais au fur et à mesure, justement, des épisodes, on arrivera à créer une espèce de carte, j'espère, une espèce de cartographie de ce qui se passe réellement là-bas. Ce qui se passe aujourd'hui en Iran, c'est ultra intéressant. Par contre, on manque aujourd'hui un peu de recul historique. Alors, je voulais conclure là-dessus parce que je trouve ça un peu fou. Et je suis désolée si c'est une grosse digression, mais le ministre des Affaires étrangères iranien a annoncé sa démission sur Instagram. Alors, bon, je sais pas si vous avez vu sa publication, mais c'est écrit sur un dessin religieux avec quelques lignes sur la fête des mères, qui est le 25 février en Iran. Alors, c'est assez curieux quand même. Alors, moi, la référence à la religion, mais de dire ça sur le même poste que la fête des mères, déjà. Et en plus d'utiliser un réseau social pour annoncer sa démission, en plus un réseau social qui sert principalement à partager des photos et des vidéos. En comparaison, le président a répondu devant les caméras de chaînes de télévision et ensuite il a fait sa lettre ouverte sur le site, sur le site du gouvernement. Donc après l'annonce du refus de sa démission, Zarif a remercié le peuple iranien, les élites et les responsables, encore une fois depuis son compte Instagram. Alors, l'utilisation des réseaux sociaux pour des hommes et des femmes politiques n'a rien de nouveau. Ils sont présents depuis un petit moment, ils communiquent et ça date pas des tweets de Trump. Les États-Unis ont d'ailleurs massivement investi les réseaux sociaux, et ce depuis vraiment longtemps, plus d'une dizaine d'années, en développant leur digital soft power. La France aussi, à son rythme, à sa manière. Mais il y a une question qui se pose assez souvent, c'est est-ce que les réseaux sociaux, plus qu'Internet en soi, provoquent une transformation de la diplomatie vers une diplomatie hashtagable, une twiplomatie, comme le dirait Hélène Manor. Mais honnêtement, et j'ai pas de réponse à vous apporter, mais j'ai du mal à comprendre comment une annonce de cette importance a pu être faite sur Instagram. Si vous avez des idées, chers auditeurs, si vous avez ou une réponse, je la lirai avec attention. Alors, ça va être le moment de passer au troisième sujet, parce que j'ai largement assez parlé, et nous allons parler des drones. Alors, vous avez peut-être vu passer il y a quelques semaines des informations sur deux djihadistes français, Fabien et Jean-Michel Klein, qui auraient d'ailleurs été impliqués dans les attentats terroristes du 13 novembre. Et qui ont été tués par une frappe déclenchée par un drone. Cela a donc été fait dans le cadre de la coalition internationale qui se bat contre Daesh en Syrie et en Irak. Et selon David Cumin, professeur qui a d'ailleurs été le nôtre également, la guerre contre le terrorisme est une étrange guerre où l'on préfère tuer ses ennemis plutôt que de les capturer. On peut donc dire que le drone est l'arme par excellence de ce nouveau type de conflit. Voici l'explication du pourquoi utiliser des drones. Mais plein de questions se posent vis-à-vis de ça, notamment des questions éthiques. Alors, Océane va aborder toute cette question avec vous, et d'ailleurs, je pense qu'elle en a hâte. Mais avant ça, j'aurais voulu faire un petit retour sur ce qui s'est passé dernièrement dans ce domaine. Alors, les drones sont aussi très utiles pour du renseignement. C'est d'ailleurs pour la question du renseignement, mais aussi pour toutes les attaques qu'elles peuvent perpétrer, que même ceux des particuliers sont interdits à de très nombreux endroits, en ville notamment. Alors, petit instant définition, parce que c'est jamais inutile. Un drone aérien, c'est un aéronef téléopéré, donc un robot aérien. Notons qu'on se concentre ici uniquement sur les drones aériens, parce que ce sont eux qui sont mis en cause dans leur utilisation contre les terroristes, mais il existe aussi des drones terrestres et sous-marins. Bon, et sinon, j'allais vous parler de Trump et des actions qu'il a entreprises par des drones, mais avant ça, revenons sur Obama. Oui, effectivement, merci Carolina. On a tendance à considérer Obama comme un pacifiste non-violent à cause de son discours de Prague de 2009 et de son prix Nobel de la paix. Mais Obama, dès son investiture, a augmenté significativement le nombre de frappes de drones américaines contre les réseaux terroristes. Selon le bilan de la Direction nationale du renseignement américain de juillet 2016, ils auraient éliminé sous son mandat 2581 djihadistes avec peu de victimes collatérales. Lors de sa première année passée en mandat, il a autorisé 53 frappes ciblées et il en a autorisé 550 en tout cumulé sur ses deux mandats. Et avant de quitter la Maison Blanche, il a signé un décret afin d'encadrer un peu plus étroitement l'usage des drones. Donc Trump et ses frappes de drones contre les terroristes ne sont ni nouvelles ni en contradiction avec la précédente administration. Mais il encadrerait moins bien apparemment l'usage de ces drones malgré le décret Obama. Et il a donné un peu plus de latitude aux chefs militaires sur le terrain afin de décider de l'opportunité ou non d'une frappe impliquant un drone. Bon, et c'est déjà à l'époque d'Obama, ça ne rigolait pas trop. Avec Trump, ça s'est carrément empiré. Les États-Unis utilisent donc énormément les drones dans leur lutte contre le terrorisme. Et c'est aussi beaucoup le cas en Afrique, notamment en Somalie, afin de combattre le groupe djihadiste appelé Al-Shabaab. Ainsi, en 2018, plusieurs centaines de personnes ont été tuées lors des 33 raids aériens. Et selon France Info, en 2019, entre le 1er janvier et le 26 février, les Américains en étaient à 9 opérations. Sinon, de leur côté, les Turcs sont très fiers de leur nouveau logiciel qui permet aux drones de localiser les terroristes. Bon, leur principale motivation semble plutôt être le PKK que des terroristes djihadistes, mais ça c'est une autre histoire. Mais justement, dans la même logique, Israël mène ce type d'attaque en Palestine. Encore en début mars, le pays en a mené en Hamas, en réponse à des engins explosifs qui auraient été lancés depuis la bande de Gaza. Clairement, les pays à avoir intégré ce type de technologie dans leur armée sont nombreux. La Russie aussi en fait partie, par exemple. Mais les États ne sont pas les seuls à s'emparer des drones pour leurs offensives. De nombreux groupes de combattants irréguliers le font également. Nous avons évoqué la Turquie juste avant et le cas du PKK. Ce groupe utilise également des attaques de drones pour attaquer la Turquie. En début mars, les autorités turques auraient été en mesure d'en empêcher 12. Les drones peuvent donc être un outil pratique pour les États, mais cela va dans les deux sens. Ça peut aussi être très pratique dans le cadre d'une attaque terroriste, comparé à notamment d'autres ressources qui peuvent être beaucoup plus chères. Et cette question est une inquiétude pour beaucoup. Oui, alors je te rejoins sur cet aspect pratique. Parce que en soi, les drones de combat ne sont rien de plus que des avions télécommandés, armés et équipés d'une caméra. Contrôlés à distance par des opérateurs depuis une base militaire, ces appareils permettent non seulement de surveiller, mais aussi d'intervenir directement dans une zone donnée. D'un point de vue stratégique, selon l'expression célèbre du lieutenant général américain David Deptula, ils permettent de déployer la puissance sans déployer la vulnérabilité. Alors, je reviendrai bien sur l'histoire du drone, qui naît aux États-Unis au début des années 70 avec John Foster, mais on ne veut pas partir sur un épisode de 2 heures, donc ce sera pour une prochaine fois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'utilisation des drones est normalisée au début de la lutte contre le terrorisme dans les années 90, d'abord pour du renseignement. Ce n'est qu'avec la menace d'Al-Qaïda en 99 que l'on pense réellement à armer les drones. Alors, tu voulais nous parler d'éthique du drone, mais j'aurais bien aimé qu'on parle de droit avant. Est-ce que l'utilisation du drone est légale ? Alors, le droit international humanitaire, que j'appellerai DIH à partir de maintenant, interdit les armes qui ne permettent pas de respecter les principes généraux de nécessité, de distinction, de proportionnalité, de précaution et d'interdiction de causer des maux superflus. Mais ça, vous le savez déjà si vous avez écouté Aurore à l'épisode précédent. Ce sont les caractéristiques d'une arme et non leur utilisation qui les rend illégales. Par exemple, vous avez le droit d'avoir un fusil, c'est légal, peu importe que vous en serviez pour tuer un lapin ou pour tirer dans la foule, l'arme est légale. L'utilisation, en revanche, c'est une autre question. Les drones armés ne violent en soi aucun des principes du DIH. Leurs missiles sont les mêmes que pour les engins habités. Certains pensent même que grâce aux multiples opérateurs et à l'environnement calme de décision, dans un bureau, on pourrait penser qu'ils respectent mieux les principes de proportionnalité, de précaution et de mots superflus à éviter. Surtout que la proportionnalité ne s'apprécie non pas au nombre des morts, mais à la nécessité militaire et à l'avantage stratégique que ça peut rapporter. Mais, selon Stuart Kazem-Maslen, le directeur des recherches à l'Académie de droit international humanitaire et des droits humains à Genève, Les frappes de drones américaines se basent sur des indices et pas des preuves, ce qui serait donc contraire au DIH. C'est bien la politique des signature strikes qui est dénoncée ici, c'est-à-dire le ciblage d'individus suspects ayant le même comportement que des terroristes, et pas les personality strikes, qui visent eux des cibles au préalable identifiées. Les signature strikes représentent une proportion plus importante que les personality strikes. Donc ces signature strikes, ça a déclenché un débat qui s'est étendu à la notion de drone en tant qu'arme, indépendamment même de cet emploi qui est contesté. La réaction du sens moral commun face à la nature du drone et l'image que les personnes ont en tête est assez caricaturale mais moralement choquante pour une partie de l'opinion. C'est un fonctionnaire dans son bureau sécurisé qui peut tuer un combattant afghan impuissant sans courir le moindre risque. C'est un lâche, selon uniquement la caricature qu'on a en tête, hein, pas en réalité. C'est pas la première fois qu'on accuse une arme d'être une arme de lâche, d'ailleurs. Ça a été le cas assez connu de l'arbalète, que le deuxième concile de Latran de 1139, donc il y a un petit moment, sous la présidence du pape Innocent II, a interdit l'usage de l'arbalète. Alors, mais seulement dans les combats contre des chrétiens, pas contre les autres, parce qu'elle était trop meurtrière. Ils ont menacé les fabricants d'arbalètes d'excommunication. Parce que Pierre-Jean-Baptiste le Grand d'Ossie disait qu'avec cette arme perfide, un poltron peut tuer sans risque le plus vaillant des hommes. Mais alors, cette interdiction n'a pas suffi à empêcher Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste de développer leurs propres équipes d'arbalétriers. Ce que je veux dire avec cet exemple, c'est que quand on la qualifie d'arme de lâche, c'est pas la première qu'on qualifie comme ça et que finalement on décide d'utiliser. Il y a des alternatives à l'utilisation de drones, comme l'utilisation des avions ou des hélicoptères. Mais ils n'offrent pas les mêmes avantages et inconvénients tactiques. Oui, et on les utilise toujours beaucoup, hein, les hélicoptères et les avions. Les drones sont un simple ajout à l'éventail tactique que peut utiliser le politique pour servir une stratégie donnée. En fait, ce qui pose vraiment problème aujourd'hui, c'est l'idée de l'automatisation du tir. Le tir défensif, par exemple la défense antimissile balistique, c'est pas un problème, contrairement au tir offensif. Et c'est aussi la question de l'intelligence artificielle et de la prise de décision. Où se trouve l'humain? Alors, il existe trois modèles théoriques. Il y a le human in the loop, donc c'est un homme qui choisit la cible et qui décide du tir, ce qui est le cas aujourd'hui, mais c'est le robot qui exécute. Le deuxième modèle, c'est le human on the loop. Donc en fait, c'est le drone qui cible, mais il doit agir sous la supervision d'un humain qui peut arrêter à tout moment et directement l'action du drone. Alors ça semble être un développement plausible avec justement le développement des IA. Et le troisième modèle, c'est le human out of the loop, où là, il y aurait zéro intervention humaine. Ça semble un peu improbable parce que personne ne souhaite que l'intelligence artificielle ne soit pas contrôlée. Bon, et alors, venons-en à la grande question. Est-ce que le drone est moral? Alors, il n'y a juridiquement pas de perfidie dans le drone, mais la distance qui sépare le tireur de sa cible rend, selon certains, inacceptable l'asymétrie du risque. La question ici est en fait celle des nouvelles technologies et de la place de l'humain. On parle beaucoup de déshumanisation de la guerre, en mettant en doute le respect du droit de la guerre avec des moyens si déshumanisants. Et déshumanisés d'ailleurs. À cet argument de la déresponsabilisation de l'opérateur du drone parce qu'il est loin, il aurait apparemment, selon certains, plus de propension à tuer. Mais alors, l'argument contraire, c'est que contrairement au pilote d'avion, l'opérateur voit ses victimes. Sur son écran, certes, mais il les voit. On parle de déshumanisation de la guerre, comme si la guerre était si brave et humaine en réalité. Alors, certains argumentent que, distant du combat, l'opérateur de drone n'agit pas par peur, par haine, par adrénaline. Il aurait donc moins tendance à commettre des crimes de guerre. En plus, il est enregistré en permanence, donc le contrôle le rendrait plus responsable. Est-ce que le drone est moral? Je pense que c'est une question à laquelle chaque personne peut avoir une réponse différente. Il n'empêche qu'elle ne paraît pas être illégitime en vertu de la moralité qui s'exprime du droit international humanitaire. Comme le dit Jean-Baptiste Jean-Jeanne Villemer, le directeur de l'IRSEM, l'indignation morale suscitée par les drones et l'éloignement du combattant témoigne de la persistance de la conviction que le corps à corps, le risque physique, est le seul étalon digne de la vertu du combattant. et je vais vous laisser sur cette très belle citation. Merci Océane pour toutes ces explications. Nous allons maintenant passer au grand dossier qui traite du sujet sexy du moment, c'est-à-dire le Brexit. Alors Marine, merci d'être là aujourd'hui. C'est un grand dossier un peu spécial aujourd'hui parce qu'en fait, il est en plein dans l'actualité. Exactement, puisqu'on va parler Brexit. Il était temps de s'intéresser à ce sujet brûlant. D'ailleurs, nous en profitons pour saluer Damoclès, le premier podcast défense francophone, qui pense lui aussi revenir sur le sujet, donc on espère que nos analyses se compléteront. Mais alors avant de commencer, Marine, laisse-moi te présenter. Donc tu as fait un master de défense, sécurité et gestion de crise à l'IRISSUP, et puis tu as travaillé plus d'un an et demi dans une boîte de gestion de crise. Deux passions géopo dans ta vie, c'est l'Europe et l'espace. Et donc, plus récemment, tu as publié deux chapitres dans l'ouvrage « Conflictualité moderne et posture de défense », édité à la Documentation française et sous la direction de Jean-Marc Laurent. Et on va mettre tout ça en description de la vidéo. Donc comme l'a dit Carolina, aujourd'hui tu nous parles de Brexit et on va tenter de se dégager du flot discontinu d'informations pour prendre un peu de recul. Alors merci Océane et Carolina de m'accueillir aujourd'hui. Oui, alors parlons Brexit. Les articles, interviews et émissions se sont multipliés cette semaine sur le sujet. Donc pourquoi un report du Brexit pourrait compliquer les élections européennes ? Partir ou rester, le choix cornélien des Européens du Royaume-Uni, ou encore les députés britanniques votent massivement contre un second référendum. Ce sont un peu tous les articles, tous les titres qu'on peut trouver dans la presse de façon récurrente. Depuis le 23 juin 2016 et la décision des citoyens britanniques de quitter l'espace européen, c'est un véritable feuilleton médiatique et politique qui se déroule sous nos yeux. Le Brexit devait avoir lieu le 29 mars, et pourtant, aucun accord de sortie n'a été voté. Le Parlement britannique a voté pour un report de l'application de l'article 50 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE, autrement dit, du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Marine, est-ce que tu peux nous refaire un tour d'horizon des informations essentielles à savoir sur le Brexit avant d'aller plus loin ? Bien sûr. Alors, faisons d'abord un bref rappel des dates clés. Donc, depuis le 23 juin 2016 et le référendum, il y a eu deux premiers ministres. David Cameron, qui est parti le 16 juillet 2016, donc très peu de temps après le vote, alors que c'est lui-même qui a d'ailleurs organisé ce référendum. Et ensuite, Theresa May, qui mène encore aujourd'hui la barque, tant bien que mal, un peu, dans ces négociations qui ont été entamées en avril 2017, avec l'Union européenne. Donc en novembre dernier, en 2018, après de longs mois de négociations, l'Union européenne, via Michel Barnier, qui est donc le chef de la négociation pour l'UE avec le Royaume-Uni, et le gouvernement britannique, sont finalement parvenus à un accord. Cet accord prévoit donc le maintien de la situation actuelle jusqu'en 2020, pour ce qui est de la participation du Royaume-Uni au marché intérieur, à l'union douanière et concernant également le respect des droits et obligations de la politique européenne. Donc le Royaume-Uni devra également s'acquitter de ses engagements financiers envers l'Europe sur la période 2014-2020. Et donc le gouvernement britannique estime que ça va leur coûter entre 40 et 45 milliards d'euros. Alors il y a vraiment deux priorités qui sont au fond de cet accord. C'est la sécurité et la préservation des droits des citoyens européens résidant au Royaume-Uni et des citoyens britanniques résidant sur le territoire européen, d'une part. Et d'autre part, il y a une question aussi très sensible qui est la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande et le fameux backstop, comme vous en avez probablement déjà entendu parler. Donc l'accord a été rejeté en janvier. Il a été rejeté une seconde fois en mars par le Parlement britannique. Donc l'Union européenne a refusé de renégocier cet accord et les Britanniques ont fini par voter contre la sortie sans accord et pour un report de la date du Brexit. Qui était donc initialement prévu pour très bientôt. Effectivement, le Brexit devait avoir lieu le 29 mars. Aujourd'hui, on partirait sur une date fin juin, mais c'est encore incertain et l'Union européenne n'a pas statué sur le sujet pour le moment. Elle était d'ailleurs très réticente à permettre un report du Brexit, en fait. En effet, les 27 sont restés intransigeants sur la renégociation de l'accord et les Anglais ont voté contre, mais ne souhaitent pas de sortie sans accord. On peut se demander, au final, quel est le but de reporter ce Brexit si l'accord n'est pas modifié. On va éviter quand même aujourd'hui de revenir une fois de plus sur tous les possibles futurs du Brexit. Comme moi, vous connaissez probablement une grande partie des tenants et des aboutissants du Brexit pour le Royaume-Uni, mais est-ce que vous êtes intéressé à ce que pensent les membres de l'UE les plus à l'Est? Qu'est-ce que cela dit de l'Union européenne à l'heure du Brexit? C'est vrai qu'on entend peu, même très peu, parler des conséquences du Brexit sur les pays de l'Europe de l'Est. Est-ce que tu as quelques chiffres si on regarde la question d'un point de vue économique et migratoire? Alors, j'ai des chiffres et j'ai aussi des témoignages. Commençons par les chiffres d'abord. Les exports de la Slovaquie et de la Hongrie vers le Royaume-Uni représentent 1,5 à 3% de leur PIB, particulièrement dans les domaines de l'industrie automobile et le secteur des machines. Et la Pologne et la Lituanie, pour leur part, exportent des produits alimentaires au Royaume-Uni représentant 1 à 2% de leur PIB. Les pertes vont être importantes, clairement. C'est également à plus long terme un manque à gagner sur les subventions qui seront reversées aux États plus tard en fait. D'autant plus que tant que l'accord ne sera pas voté et que la législation sur le Brexit ne sera pas entérinée, entreprises britanniques sur le sol européen, entreprises européennes sur le sol britannique, qu'adviendra-t-il avec ou sans accord pour que les marchandises passent les frontières? Combien de temps, combien de jours concrètement cela prendra-t-il? Et comment se préparer? Ce sont des questions très concrètes auxquelles les entreprises font face. Et je peux prendre l'exemple de l'entreprise polonaise Future Processing, dont plus de 50% des clients sont britanniques. Elle a dû adapter ses contrats pour faire face, une fois que le Brexit sera acté, au risque de la fluctuation de la monnaie et pour diversifier ses clients. Les pays d'Europe centrale et de l'Est ont beaucoup à perdre avec le Brexit. La question des citoyens européens au Royaume-Uni se pose aussi. Ça a d'ailleurs été un peu la panique chez beaucoup. Absolument. Que vont devenir les citoyens européens sur le sol britannique? L'Union européenne a permis une immigration très forte au Royaume-Uni. L'accord a pour but de les protéger et d'imposer à partir de 2020 un contrôle sur l'immigration. Néanmoins, le Brexit verra potentiellement le licenciement d'Européens travaillant sur le sol britannique au profit d'une politique de l'emploi qui sera plutôt tournée vers les citoyens nationaux. Là encore, c'est de la spéculation. Là encore, je vous dis ça, mais on est supposé être à quelques jours du Brexit seulement et c'est des choses qui n'ont pas encore été déterminées. Donc il y a une large immigration des pays de l'Est de l'Europe qui est présente au Royaume-Uni et qui risque de devoir rentrer chez elle faute d'emploi ou de migrer dans d'autres pays de l'Union européenne, comme en Irlande par exemple. Et donc, la population polonaise, juste à titre d'exemple, représente plus de 911 000 citoyens vivant sur le sol britannique en 2016. Elle constitue le groupe d'étrangers le plus important du pays. Cela suscite une certaine forme de peur en Pologne, et un sondage de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès en 2016, exprimait que les citoyens polonais se disaient inquiets du Brexit dans leur grande majorité. Alors certes, la diaspora polonaise joue un grand rôle dans cette peur, mais est-ce que ce ne serait pas également lié à l'attachement historique de la Pologne à l'OTAN et à la défense qui est donnée par les États-Unis? Je m'explique un petit peu plus. Le Royaume-Uni a une relation très privilégiée avec les États-Unis, qui se lasse de la défense en Europe, et ce depuis bien avant Trump, je me permets d'insister sur ce point. La Pologne craint de les voir partir, parce que la menace russe en fait est très prégnante pour eux. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont jamais été très très emballés, et c'est peu le dire, sur une défense européenne indépendante des États-Unis auxquelles les Français, eux, sont très attachés. Est-ce que Marine, toi tu penses que le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne et pas de l'OTAN est une source d'inquiétude pour la Pologne ou au contraire une source de satisfaction de voir que l'Europe de la défense a peut-être encore moins de chances de réussir sans les Britanniques? La réponse est double pour moi. L'attachement de la Pologne à l'OTAN explique en partie sa politique étrangère, notamment vis-à-vis du Royaume-Uni. Cette relation spéciale du Royaume-Uni avec les États-Unis pèse beaucoup dans la balance. Mais le Brexit a quelque peu changé la donne. Lorsque les pays d'Europe centrale et de l'Est ont candidaté pour rentrer dans l'Union européenne, c'était, en partie, pour bénéficier davantage et d'une croissance économique profitable, certes, mais également pour se rapprocher de l'Occident et de ses valeurs libérales, en sortant un peu du joug de l'ex-URSS. L'objectif était vraiment de plaire aux États-Unis et de s'en rapprocher le plus possible, d'où l'adhésion à l'OTAN, d'ailleurs. Et donc, on pourrait se dire que par conséquent, le Royaume-Uni étant toujours dans l'OTAN, ça changera pas grand-chose pour ces pays. Mais c'est sans compter sur l'Europe, qui a déjà fait preuve de velléité d'autonomie sur les questions de défense. Et cela représente une grande source d'inquiétude pour certains des pays d'Europe centrale et de l'Est qui souhaitent garder le parapluie de l'OTAN et les Américains dans la poche. Maintenant que le Royaume-Uni s'en va, qui pourrait empêcher l'Europe? Je pense notamment à la France, évidemment. Toujours la France. De se positionner en véritable critique des États-Unis. Donc il y a vraiment un rééquilibre des pouvoirs et c'est pour ça que la Pologne cherche à se rapprocher du noyau dur de l'Union européenne en s'orientant et en orientant sa politique étrangère vers l'Allemagne. C'est une alliance qui est profitable d'un point de vue économique aussi, et plus que politique. Donc il est son premier partenaire économique, juste devant le Royaume-Uni, et aussi le deuxième investisseur après les Pays-Bas. On compte 36,5 milliards d'euros d'investissement en 2015. Sachant que les Pays-Bas sont souvent seulement une plaque pour des investisseurs étrangers, donc on ne peut pas vraiment dire que les Pays-Bas en soi sont le premier investisseur. Bien sûr, ça va soi. Il s'agit donc pour la Pologne de limiter les dégâts économiques du Brexit et asseoir sa position politique au sein de l'Union européenne. D'ailleurs, l'Allemagne a sur ce plan soutenu le maintien des sanctions russes et cherche à garder des relations proches avec les États-Unis. Ça fait un argument de plus pour les Polonais de se rapprocher de l'Allemagne. Et donc aujourd'hui, la Pologne, mais aussi l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Roumanie sont inquiets du Brexit. Non pas seulement pour des raisons économiques, mais pour des raisons d'équilibre des forces, comme j'en parlais tout à l'heure. Et depuis 2014, et l'invasion de la Crimée par la Russie, les pays de l'Est ont vu rejaillir une menace russe, qui déjà inquiétait avec la Géorgie en 2008. D'ailleurs, comme on l'avait déjà évoqué à notre deuxième épisode quand on a parlé du conflit russo-ukrainien. Absolument. Le Brexit a montré aux pays de l'Est qu'il n'y avait pas de bloc occidental dirigé par les États-Unis. En tout cas, il a ancré cette vision de façon définitive. Longtemps, il a été vu, le Royaume-Uni, comme le pion, le cheval de Troie, bref, celui qui était le plus proche des États-Unis au sein de l'Union européenne. Et être avec le Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, justement, et de l'OTAN, et montrer que l'on se conforme aux idéaux qui sont dits occidentaux, permettait aux pays de l'Est, à l'époque où ils ont rejoint l'Union européenne, de garder l'espoir d'une protection contre un éventuel retour de la menace russe. Mais que sont les valeurs occidentales aujourd'hui, si tant est qu'une telle unité ait un jour existé autour d'un sujet ? En Estonie, en tout cas, on s'inquiète grandement du départ du Royaume-Uni. C'est en effet lui qui guide le bataillon tactique à la frontière avec la Russie et on se demande ce qu'il va advenir de ce bataillon. Est-ce qu'il va devenir un point de faiblesse à l'Est ? Est-ce que le Royaume-Uni va rester ? Ça pose beaucoup de questions, en tout cas. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que le plus gros des inquiétudes des pays de l'Est sur le Brexit... C'est pas tant tourné vers le Royaume-Uni que les inquiétudes qui étaient déjà préexistantes sur la Russie et ses potentielles velléités sur son ancien domaine d'influence. Absolument. Les multiples contestations des politiques européennes par les États sous gouvernement populiste auraient pu se retourner contre l'Union européenne et profiter pour en sortir. Mais cette peur reste ancrée dans les politiques d'Europe centrale et de l'Est. Par exemple, en Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban défie perpétuellement l'Union européenne dans la politique illibérale, telle qu'il l'appelle lui-même, et liberticide, qui est en contradiction avec les valeurs européennes et qu'il mène pourtant. Pourtant, les pays populistes d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est sont tous restés. Il n'y a pas de grande vague de départ pour le moment, mais 27 États unis dans les négociations sur le Brexit et dans l'agacement face aux négociations interminables. Donc la menace russe pèse sur les États, et ceux qui ont une politique de discours avec la Russie n'en sont d'ailleurs pas complètement à l'abri. C'est sûr, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de pays qui critiquent l'UE, mais en réalité, sans pour autant entreprendre de vraies actions pour en sortir. Et comme tu disais, cette menace russe doit y être pour quelque chose, j'imagine. Je dirais que la menace russe pèse lourd sur les gouvernements de l'Est et du Centre. Quoi qu'ils peuvent en dire, les conséquences économiques qu'aura le Brexit et ses implications politiques ne doivent pas être prises à la légère. Aucun de ces pays n'a pris le risque de faire un tel référendum. Et ils choisissent tous de rester au sein de l'organisation. C'est qu'ils y trouvent un intérêt, quoi qu'on en dise d'ailleurs. Ça pose une fois de plus des questions existentielles à l'Union européenne, en fait. Que faire du projet européen, au final ? Une union seulement économique ? Dans ce cas, comment garantir une quelconque intégration, voire une longévité dans le temps, alors qu'une intégration économique semble complexe, voire impossible, avec des pays qui sont bien plus pauvres que les pays d'Europe de l'Ouest. En faisant ce dossier, j'ai comme vous pu constater que le Brexit posait une fois de plus ces questions aux Européens. Alors que l'Union Européenne se voulait au départ un projet d'intégration et d'ouverture des frontières au sein de pays aux intérêts économiques et aux valeurs communes occidentales, dirait-on aujourd'hui, le Brexit a l'air de constituer un retour en arrière. J'emploie le terme de retour parce qu'il y avait une frontière avant, et cette frontière physique va probablement revenir. Mais qu'est-ce qu'elle représente, cette frontière? Ou plutôt ses frontières, en fait. François Dubé, qui était directeur d'études en sociologie à l'EHESS, en parle dans la préface « Déclin et retour des frontières » de son livre « Politique des frontières » qu'il a publié en 2018. Il explique d'abord longuement comment l'Union européenne a vu les frontières s'effacer au cours de sa construction et comment la mondialisation y a largement contribué. Je vous parlais tout à l'heure des gouvernements populistes européens. Tous appellent au retour des frontières pour récupérer les pouvoirs qu'ils auraient perdus au profit de l'Union européenne. C'est d'ailleurs une longue diatribe qui sévit depuis 2011 en France avec Marine Le Pen. Et j'en passe. Effectivement, mais pas qu'elle. C'est aussi quelque chose qui est très très prégnant en Italie, avec la question de la crise des migrants. Et pas qu'en Italie, mais même si l'Italie et la Grèce sont particulièrement touchées par cette immigration massive. Absolument. C'est un des sujets principaux de désaccord depuis que l'Allemagne a décidé d'ouvrir ses frontières aux immigrés. Et donc le contrôle de l'immigration, la monnaie, la protection de l'économie nationale et le retour en fait des frontières pour récupérer ses pouvoirs semble être le cheval de bataille de ces mouvements populistes. Le fameux mythe du « c'était mieux avant ». La question des frontières pose effectivement problème parce qu'on a vu qu'il n'y a pas très longtemps, pas en Europe de l'Est mais en France cette fois-ci, il y a eu une grève de manière assez exceptionnelle pour les Français, hein, nous ne connaissons pas les grèves. Il y a eu une grève à Gare du Nord des douaniers parce qu'ils réclament plus de moyens pour faire face au retour du contrôle plus important aux frontières avec le Royaume-Uni. On voit bien que ça inquiète absolument tout le monde parce que, comme tu disais, rien n'est déterminé. Bien sûr, c'est pour ça que ces questions sont européennes. Et je vais citer quelques phrases qui m'ont marqué dans la préface de François Dubé. Il dit comme ça. Alors, sous le choc des populismes, des États autoritaires, des mouvements indépendantistes au sein des vieux États, de la tragédie des réfugiés et des migrants, nous avons pu croire que nous assistions au retour des frontières dans leur forme ancienne. Or, en dehors des imaginaires populistes, les frontières qui reviennent ne sont plus les frontières westphaliennes. Ce sont des filtres plus que des frontières. C'est beau. Depuis le traité de Westphalie en 1648, définissant un état souverain sur le territoire défini par ses frontières, en passant par les accords de Sykes-Picot, la colonisation et l'imposition par les puissances colonisatrices de frontières inadaptées aux réalités sociales et ethniques et géographiques des territoires concernés, les hommes politiques ont toujours été obsédés par cette idée. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, elle constitue le fondement des discours et des mythes populistes véhiculés, récupérés et réutilisés par des partis politiques européens. Ça et l'identité. Absolument, et leur identité. Les partis politiques, qui une fois au pouvoir se gardent bien de quitter l'Europe, s'en servent allègrement de bouc émissaire pour construire leur discours et donc leur identité. Et cette identité est principalement une identité contre, et non pas une identité en soi, pour soi. C'est une quête identitaire des citoyens européens aujourd'hui qui se fonde sur cette opposition à l'autre, à ce qu'on ne veut pas. Donc l'identité est celle qu'un peuple construit tout au long de l'histoire. Les populistes manipulent aujourd'hui cette notion d'identité et sont nostalgiques de l'Empire britannique et de son envergure de puissance mondiale, d'un empire austro-hongrois qui est terminé. Ce sont des rêves de grandeur et de puissance que les citoyens, dans leur entêtement, sont persuadés de pouvoir retrouver une fois seuls et en contrôle de leur territoire. Nous ne sommes plus autant des colonies ou des empires, et ces mythes sont bien illusoires. C'est pourtant des mythes, ces mythes-là qui sont exacerbés dans les régimes populistes européens et par les partis populistes européens. Donc le Brexit doit inciter les Européens à se regarder eux-mêmes, à regarder ce qu'ils sont devenus, à faire des choix avant d'aller plus loin dans l'intégration européenne, et à repenser un projet européen si tant est que cela soit encore possible. Pour ma part, j'ai plutôt l'impression que nous sommes dans une espèce de fuite en avant. Alors qu'aucun leader ne se démarque d'un autre dans l'Union européenne aujourd'hui, je pense à Emmanuel Macron et Angela Merkel qui sont vus, en tout cas à l'Ouest, comme les leaders potentiels et qui sont aujourd'hui empêtrés dans des dynamiques nationales qui les immobilisent complètement. Je pense aux Gilets jaunes, à la montée de l'extrême droite en Allemagne. Et donc l'Union européenne sert aujourd'hui de punching ball aux hommes politiques nationaux de nombreux pays d'Europe, si ce n'est tous. Et donc la question de l'avenir de l'Europe et de l'Union européenne se pose. Mais je trouve justement que c'est très intéressant ce que tu dis par rapport au fait que l'Union européenne serve de punching ball, parce que en effet, il y a beaucoup de ces discours populistes ne restent finalement que des discours. Dans les faits, on voit que la plupart de ceux qui prononcent ces discours ont des actions complètement différentes, comme plein de personnalités pro-Brexit qui finalement ont commencé à se trouver des passeports européens pour eux ou leur famille. Enfin, il y en a plein d'autres d'exemples vis-à-vis d'entreprises, vis-à-vis plein d'autres choses. Mais c'est pour dire que, par exemple, la Hongrie aussi bénéficie de beaucoup de financements de l'Union européenne pour lesquels c'est possible qu'il y ait de la corruption qui profite aux élites du pays et donc ces élites qui, elles, critiquent l'Union européenne. Finalement, les populistes souvent profitent des instances de l'Union européenne. Je ne vais même pas me prononcer sur tous les parlementaires européens, notamment d'extrême droite, même s'il y en a de tous les groupes politiques qui font ça, qui ne sont pas présents à leur travail, mais qui profitent quand même de larges salaires que ce même travail leur permet, tout en critiquant l'Union européenne et voulant en sortir. Et puis, finalement, une fois qu'ils sont au pouvoir et qu'ils sont obligés de suivre ce qu'ils ont dit, on se retrouve avec le Brexit, par exemple. Absolument, et c'est exactement pour ça que tout à l'heure je parlais du manque à gagner que les pays de l'Est vont voir avec le départ du Brexit, avec le départ du Royaume-Uni, parce que le départ du Royaume-Uni c'est aussi moins de subventions pour les pays qui en ont le plus besoin et qui profitent le plus de la politique agricole commune et de tout ce qui est mis en place par l'Union européenne pour faire en sorte, depuis leur intégration, que les pays d'Europe centrale et de l'Est puissent rattraper, en quelque sorte, leur retard. Moi, je pense qu'il faut aussi voir le Brexit comme une opportunité pour les Européens, comme tu disais, de se regarder en face, mais aussi de découvrir quelles sont les vraies contestations, parce que le Royaume-Uni a quand même toujours joué le rôle de celui qui dit non dans l'Union Européenne, qui dit non. Et donc tous les pays qui voulaient dire non, mais qui ne voulaient pas avoir l'image de dire non, ne disaient juste rien et attendaient que le Royaume-Uni fasse son effet en Europe. D'ailleurs, c'est un peu la politique de la France sur la scène internationale, mais le Royaume-Uni, c'était juste dans l'Europe. Et donc, on va pouvoir, à mon avis, assister à des pays qui se dévoilent dans leur anti-Europe, en voulant rester dans l'Europe, et qui, jusqu'à présent, étaient relativement cachés. Mais je voulais te poser une question, pour revenir à la question assez dure du Brexit. À ton avis, avec ou sans accord, et quand ? Très bonne question. J'ai pas de réponse là tout de suite. J'ai envie de dire que je pense que oui, il y aura un accord. Parce que rien que pour une question très simple de la frontière avec l'Irlande, très simple, c'est très facile à dire. Ouais. Mais oui, aujourd'hui, les Irlandais de la République d'Irlande et les Irlandais d'Irlande du Nord circulent dans le pays comme si rien ne changeait. En fait. Il y a seulement beaucoup plus de drapeaux anglais en Irlande du Nord, bizarrement. Bizarrement. Mais il y a cette circulation-là et c'est très difficile pour les Irlandais qui, par exemple, travaillent à ce qui était avant, à côté de ce qui était avant une frontière physique et ce qui est aujourd'hui rien du tout, en fait. Ça va être très compliqué pour eux d'adapter leur business, d'adapter la façon dont ils travaillent, la façon dont ils vivent. C'est aussi ça, quand je parlais de frontières, je parlais pas que des frontières physiques, de rétablir un périmètre qui dit entre ce territoire-là et ce territoire-là, on n'est plus au même endroit. Mais je parlais aussi d'une frontière un peu morale, en fait, entre les habitants. Mais pourtant, les Européens ont été assez catégoriques sur la question de ne pas vouloir renégocier l'accord. La preuve, je veux dire, il y a déjà eu plusieurs votes finalement sur l'accord. Le Parlement, il le voulait jamais. Theresa May, elle revenait toujours vers l'Union Européenne. Elle promettait à tout le monde, non mais vous inquiétez pas, je vais améliorer ça, je vais faire un truc génial. Les Européens, à chaque fois, ils n'étaient pas, enfin, ils mettaient un stop à cette renégociation, puisque ça a été, comme tu l'as dit d'ailleurs, beaucoup de mois de négociations. Donc, de quelle façon est-ce que tu crois qu'il pourrait y avoir un accord, en fait? Alors, pour moi, il va pas y avoir de renégociation de cet accord. Il peut y avoir des amendements à l'accord, mais effectivement, comme tu l'as dit, on est loin d'avoir une chance de renégocier cet accord. En tout cas, le Parlement européen, que ce soit Juncker ou même les Européens et les 27, sont contre la renégociation de cet accord. Ce qui pose problème à Theresa May, puisqu'il y a des dynamiques internes au Parlement britannique qu'il va falloir un peu calmer et acquérir de son côté. Je pense notamment aux Brexiteurs qui ne veulent pas du tout la même chose entre le soft Brexit, le hard Brexit ou juste un Brexit sans accord. Avec accord, personne n'est vraiment d'accord en fait. Et encore moins sur cet accord. En plus de ça, Theresa May, elle a évité de peu de devoir démissionner en fait. Elle est plus du tout aussi stable au pouvoir que ce qu'elle a été. Et encore, elle est arrivée au pouvoir parce que son prédécesseur a démissionné après le résultat du Brexit. Donc effectivement, les dynamiques internes du Royaume-Uni vont beaucoup jouer, et jouent beaucoup d'ailleurs, parce que le gouvernement, sinon, il l'aurait déjà fait cet accord. D'accord ? Absolument. Absolument. Et Theresa May a toujours, au début, mené la barque d'une façon remarquable, j'ai envie de dire, tant que on avait les négociations qui étaient en cours. C'est un peu comme dans tout, tant que ça n'est pas arrêté, tant qu'il y a encore une possibilité de négocier, de grappiller du terrain, on est toujours sur quelque chose de relativement changeant, on va dire. Là, l'accord est arrêté. Et Theresa May a subi deux échecs en janvier et en mars devant le Parlement britannique. Elle a échappé à l'échec du Brexit sans accord, mais effectivement, elle est dans une position extrêmement instable, et la position même du Royaume-Uni fait que, de toute façon, vis-à-vis de l'Union européenne, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la mesure où le peuple britannique a voté pour la sortie de l'Union européenne et que ça fait 2 ans, 3 ans. Et donc d'ailleurs, quand David Cameron était au pouvoir, lui-même était contre la sortie de l'Union européenne. Et au final, on a abouti à un référendum pour donner la parole au peuple. Et donc, si on revient un peu sur cette question des frontières, on voit qu'il y a encore une fracture entre les dirigeants européens, ce que pensent les dirigeants européens, ce que veulent les dirigeants européens et ce que veut la population. Je ne reviendrai pas sur toutes les discussions qu'il y a pu avoir sur « oui, mais c'est les vieux qui ont voté pour les jeunes Écossais aussi, Royaume-Uni, bien pour sûr. L'Union européenne. Alors, il y a 2 choses aussi que je trouve intéressantes. Tu parlais du fait que David Cameron était contre. Mais c'est intéressant parce que Theresa May aussi était contre, en fait, avant qu'elle soit au pouvoir. Et après, elle a voulu incarner cette position et ne la lâche plus, en fait, plus du tout. Et ne voit pas d'autres possibilités. Et après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions sur qui a voté, sur le fait qu'il y a beaucoup de votants... du Brexit qui ont changé d'avis, etc., etc. Mais il y a aussi une question beaucoup plus importante dans toute cette question, c'est que c'est prouvé qu'il y a eu des interférences, notamment au niveau des réseaux sociaux, etc. Par rapport à ce vote, il y a des choses assez graves qui sont passées et qui ne sont pas prises en compte. Et puis ces choses-là, elles se sont passées avec certains acteurs, dont notamment Steve Bannon, qui continue à se promener en Europe et à aller voir plein d'autres partis populistes et à les financer même. Et c'est vrai que ça nous fait nous poser plein de questions par rapport à l'avenir de l'Europe, comme tu disais tout à l'heure, en fait. Finalement, le Brexit a montré que l'Union européenne est quand même plus stable et plus unie qu'on le croyait, parce que finalement... Et Marine l'a évoqué aussi à un moment, ça a permis d'unir les 27. Et je vais rebondir là-dessus sur ce que t'as dit, les réseaux sociaux, parce que en fait ça a été un fil rouge, assez involontaire, je vais l'avouer, de toute cette émission, parce qu'on en a parlé quand on a parlé de l'Iran, on en a parlé évidemment quand on a parlé de l'Inde et du Pakistan, et encore maintenant, et je pense que c'est le bon moment de conclure. Ce grand dossier. Merci beaucoup Marine d'être venue. On aura encore beaucoup de choses à dire, je pense, sur le Brexit et sur l'Union européenne dans les mois qui viennent. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à vous. On se voit le mois prochain pour traiter d'un sujet d'une zone géographique totalement différente de celle qu'on a traitée aujourd'hui. On va se tourner vers l'Amérique latine et l'Afrique pour parler de trafic de drogue.